fouet ou au coup de trique. Nous avons une méthode nouvelle et sympathique. Le genre qu'on appréhende, qu'on subit puis qu'on réclame. Une pratique qui chatouille au début, c'est un peu normal. Une pratique irritante et qui reste tabou. Ce chemin peu glissant est pourtant plein de goût. Accueillons jusqu'aux couilles la quête du Saint Graal. Comme une poule sur un mur. Allez, prends ça, coca, je transforme ton anus en chou-fleur.